Chapitre 12e. Le garçon boucher. Mais ces quelques jours n'avaient pas été perdus pour le détective. Il savait maintenant comment il pourrait pénétrer dans la maison du général, plus fermée encore que précédemment. Un matin, à la petite porte de service, un garçon boucher se présenta, sa corbeille recouverte d'une serviette. Le domestique chargé du service des vivres ne reconnut pas le garçon boucher qui venait d'habitude. « Repos hebdomadaire, » dit le garçon boucher. « Je remplace mon camarade. » Il venait livrer la viande. Mais en même temps, il dit au domestique « Veuillez faire tenir ce papier à M. Ossip. » Le domestique refusa. « La note a été payée. Il ne s'agit pas d'une note. C'est moi que ça regarde. » Le domestique parlait à peine le français. Le garçon boucher, pas du tout le russe. L'homme, au surplus, était peu intelligent. En outre, il observait une consigne et avait affreusement peur de la bastonnade qui l'attendait s'il venait à déplaire au général. Dans ces conditions, il semblait difficile, sinon impossible, que le garçon boucher arrivât à se faire comprendre. Mais le garçon boucher avisa un carnet que tenait le domestique. Il le lui prit, et par geste fit entendre qu'il voulait mettre deux mots, pas plus, pour M. Ossip, pour le saluer seulement. C'était une coutume des fournisseurs de Paris. Et en même temps, il glissa comme gage de bon rapport, de la part de son patron, une pièce d'or dans la main du domestique. La pièce d'or pour lui, le papier pour Ossip. Cela parut une coutume excellente au domestique qui empocha le louis et consentit à montrer les mots écrits sur son carnet. Certes, cet homme à cerveau épais ne s'attendait pas à l'effet que devaient produire ces mots sur Ossip. À peine le majordome les eut-il lus qu'il sursauta. « Où est-il ? » demanda-t-il au concierge. « Qui ? L'homme qui a écrit cela ?» Le domestique, n'y comprenant rien, ne sachant pas si cela ne lui réservait pas quelques coups de bâton, ne se hâtait pas de répondre. Dans son fort intérieur, il souhaitait que cet homme, dont il avait reçu une pièce d'or, mais dont le papier portant deux mots à peine décrits produisait sur Ossip une telle impression, eut la bonne idée de reprendre sa corbeille de viande et de s'en aller. « Va le chercher, brute !» cria Ossip. Il accompagna cet ordre d'un énorme coup de soulier. Car il est convenu que les amabilités du maître envers le majordome s'étendent du majordome au valet. Le domestique, ahuri, se précipita, fortement aidé d'ailleurs par le coup de pied de Ossip. Très paisiblement, le garçon boucher attendait dans l'office où tout à l'heure, avec son panier, on l'avait fait entrer. À l'air affolé du domestique, il devina la scène qui s'était déroulée, et il essaya de rassurer le pauvre diable. Celui-ci, redoutant la bastonnade, voulait bien, à contre-cœur, rendre la pièce au détective pour qu'on ne pût l'accuser de s'être laissé acheter. Toutefois, le garçon boucher non seulement ne reprit pas la pièce, mais il en donna une seconde. C'était le moyen d'apporter un peu de calme dans cette âme bouleversée, et de la préparer à donner au corps l'énergie suffisante pour supporter les coups de bâton qu'elle pressentait. Alors, le domestique, estimant maintenant que la bastonnade était bien payée, s'empressa de la mériter tout à fait en conduisant le garçon boucher auprès de l'intendant. Grand fut encore son étonnement quand il vit Ossip, le majestueux Ossip, se précipiter au-devant du garçon boucher et lui tendre la main comme à quelqu'un d'attendu et qu'on est heureux de voir. Il demeurait là, bouche bée, les yeux tout grands ouverts. Un nouveau coup de pied d'Ossip le rappela à la réalité en l'envoyant du côté de la cuisine. « Ah ! » s'écria Ossip, « c'est le ciel qui vous envoie. » Précisément, le général avait l'intention de vous prier de venir le voir. « Je le sais, » répondit très sérieusement le garçon boucher, « et c'est pour cela que je suis venu. Le général va être enchanté. » Ossip conduisit donc le garçon boucher dans la salle des armures. Le général se tenait dans son grand fauteuil, devant un cruchon de vodka, à peu près vide déjà. Il était dans un moment d'abattement, d'accablement. Il avait bu force vodka, car ce pot était le deuxième. Et comme cela lui arrivait maintenant plus fréquemment, il laissait machinalement couler ses larmes. Tout bas, il répétait « Johanna, Amédéa ». Quand parut Ossip, à la porte de la salle des armures, le général, furieux d'être vu dans un de ces moments de douleur, de faiblesse, se dressa soudain. Le verre qu'il tenait à la main vola à travers la salle dans la direction de l'intendant avec une injure de corps de garde. Ossip, nous le savons, parvenait avec une habileté extrême à éviter les projectiles de son maître. Il esquiva le verre et continua d'avancer. « Va-t'en, va-t'en !» hurla le général. Ce fut au tour du cruchon de partir à travers l'espace. Le cruchon alla se briser contre le mur, répandant en larges éclaboussures toute la vodka qu'il contenait. Quel dommage, ne put s'empêcher de dire au Sip. Mais il avança encore vers son maître. Le général aujourd'hui, décidément, ne pouvait souffrir la présence de son intendant. Il leva son fauteuil pour en fracasser la tête de cet obstiné gêneur, qui ne comprenait pas combien il était important. Mais aussi put la présence d'esprit, ou la chance, de pouvoir dire ces mots rapidement « Paulin Broquet est là !» Ce fut d'un effet magique. Aussitôt, le général, qui avait levé son épais fauteuil, reposa à terre le meuble. « Paulin Broquet, ici ?»« Oui, mon général. » « Le grand Paulin Broquet, le vainqueur de Zigomard, lui-même. Tu l'as écrit de venir ?»« Non, mon général. » »« Comment se fait-il donc qu'il soit venu ?»« Je l'ignore. » »« Tu es sûr que c'est lui ?»« Je le crois. » »« Nous allons bien voir. Fais entrer. » Ossip remonta et alla quérir Paulin Broquet. Il avait laissé dans une salle précédant la salle des armures le garçon boucher, vêtu du grand tablier professionnel, à raies rouges et blanches. Ce fut un correct gentleman qu'il trouva à sa place. Paulin Broquet, en un clin d'œil, avait opéré, avec son aisance et son habileté coutumière, cette radicale transformation. D'ailleurs, ce fut très simple. Sous son grand tablier de garçon boucher, il était vêtu, comme on le voyait généralement, d'un complet veston. Il n'eut qu'à retirer son tablier pour apparaître ainsi. À la main, il tenait un chapeau melon. Ce chapeau était en caoutchouc, recouvert d'une légère couche de feutre noir. Il se pliait, se roulait, se glissait dans la poche, mais reprenait aussitôt sa forme. Un mince ressort d'acier le maintenait ensuite, des gants complétaient le costume. Ainsi, en tenue du matin, Paulin Broquet était absolument correct et acceptable, surtout venant en mission pour son travail comme maintenant. « C'est moi, oui, c'est bien moi, » dit-il à Ossip, qui, très étonné, le regardait. Quand Ossip l'eut annoncé, il pénétra dans la salle des armures et vint au général qui, debout devant son fauteuil, l'étudiait. « C'est vous ?» lui demanda le général Sobarov. « C'est vous le célèbre policier français ?»« Votre réputation est universelle. J'étais moi-même chef de la police russe. Je suis heureux de vous connaître. » Il tendit la main au détective. Puis il lui indiqua un siège près de lui. « Vodka, animal !» commanda-t-il à Ossip. Déjà Ossip avait pris dans la grande armoire de verre et un nouveau cruchon d'alcool. « Un verre pour toi aussi, Butor !» lui dit le général. « Tu assisteras à l'entretien. » Mais avant de prendre place sur la chaise que lui désignait le général, Paulin Broquet se mit à faire le tour de la grande salle, examinant, sondant les murs. « Vous permettez, général ? » dit-il. Il ouvrit les portes, regarda dans les salles qui communiquaient avec celle-ci, puis les ferma à clé. Le général s'était mis très curieusement à le suivre. Ossip venait derrière. Après la salle des armures se trouvait un salon, très grand également, qui donnait aussi sur les jardins par une grande porte vitrée. Paulin Broquet alla donner un tour de clé aux deux portes qui, de l'intérieur, ouvraient sur ce salon. Il poussa ensuite la porte vitrée donnant sur le jardin. Puis, cherchant du regard, il aperçut sur une étagère une petite statuette de forme fantastique en verre soufflé. « Tenez-vous beaucoup à ce bibelot ? » demanda-t-il au général. « S'il peut vous être agréable. » « Il me sera plutôt utile. Seulement il est probable qu'il sera détruit. Peu importe. C'est parfait alors. » Paulin Broquet plaça donc ce bibelot de verre sur la porte donnant sur le jardin. Il le plaça de telle façon qu'il se trouvait en équilibre sur la serrure. Mais en équilibre tellement fragile qu'un faible mouvement, une simple pesée sur la clé, lui ferait perdre son aplomb et le jetterait à terre. « Bon, » fit Paulin Broquet ensuite, « maintenant, revenons. » Il ferma la porte du salon en passant dans la salle des armures. « Je vous demande pardon, général, d'agir ainsi, mais j'aime assez me rendre compte des êtres d'une maison dans laquelle je viens pour la première fois. « Vous êtes le maître de faire ici, » répondit le général, « ce que bon vous semblera. »« Merci. J'aurais peut-être à user de cette bienveillante autorisation. »